Esengo kozala mwana na nzambe Musangoli na libula na nkolo Bakrisu ya mokili mobimba ato sepela Otokomi oto kwa kaki kozala pena makasi na biso Pena ngolu na ye Tokomi bana nzambe, bana papa Esengo mingi kozala mwana na yo Yesu Esengo mingi kozala oyo yo bona Osala ngai na lolenge ya bonzambe na yo Okamati ya motu ya otie kati nanga Opesi nga bokonzi olobi nga na tomba Obui kofanda na ndako moto atongi Ondimi osala nzoto nange fandelo na yo Satana Omunanga na bututolo bilika mboyo yanga Okuta bitumba na mopesa nga elonga Nyoso yo papa pona mona tembo ah. Ki pe nous separe de l'amour de Jésus Christ ah. Ni la mort ni le vent Seigneur. D'être en toi. Aujourd'hui, nulle part au monde, il fait beau vivre. Bae bazana nord, balingi bae na sud. Bae bazana sud, balingi bae na nord. Je t'ai dit les uns comme les autres, nous nous trompons. Nous avons tous besoin d'aller vers Jésus. Mais dommage, les soins ou les lois n'a rassuré à quoi inviter. A comment y'a quoi inviter. Ah, nous nous cousons de sa souhaitée, mon amour. Les gens qui n'ont fait de la canne. Hey, yes.